Alléluia. Donc il y a un combat aujourd'hui. Ça, c'est une chanson contre nous. Les pasteurs, tu as le micro, mais nous on n'a que des baffles. Tu parles trop, nous on ne parle pas. Mais prêche, surtout vie. Bakulelo monene na ekklesia Komo na mote ya kote ya ka kasi ya kobika liloba na yete Libaku monene lelo yo na ekklesia Komo na mote ya kote ya ka kasi ya kobika liloba te Oh teya teya bika bika teya e bika Teya teya teya teya bika bika bika bika teya teya teya teya bika bika bika bika teya teya teya teya teya teya bika bika bika bika bika bika teya teya teya teya teya teya bika bika bika bika bika oh teya teya bika Les autres quand ils nous prêchent la marque de la bête Ils nous disent qu'il s'agit là des puces qu'on met sur le front ou la main Écoutons un peu la bouche autorisée Ce ne seront pas des puces sur le front ou la main Sur le front c'est la connaissance et sur la main c'est les actes Tu connais autre chose Et tu vis d'une autre chose Mais Théa Théa Bika Bika Théa Théa Théa Théa Bika Bika Bika Bika Théa Théa Théa Théa Bika Bika Bika Bika Théa Théa Bika Bika Théa Théa Bika Teya teya teya teya bika bika bika bika oh teya teya teya bika bika bika bika bika teya bika Donner le micro et les autres c'est le bafle quand tu penses comme si tu ne commets jamais d'erreur tu sais la force c'est dans l'humilité l'élévation vient dans l'humilité Jésus était roi des rois il était humble possédant cieux et la terre Mais dans une table N'ayant pas de trône sur la terre Il s'assied sur des pierres Pas de couronne d'or Mais une couronne d'épines Celui qui pouvait avoir les argents Ma fille, quand il y a beaucoup d'argent, il dit les argents Alors j'ai dit, il faut que je la suive un peu Les argents Celui qui a l'or et l'argent Teya Teya Bika Bika tea tea tea vika vika tea o vika Because